Ok, c'est atomique. Chez moi, on m'appelle la rime en or. Tu veux savoir pourquoi? Bah écoute. Ok, j'arrive, la rime en or. Fuck ton rappeur, je suis bien plus fort. Tu m'as reconnu, ça rappe par corps. Le seul qui te viole, ça tient le rapport. Un bête d'album bourré de clés morts pour exploser les deux bords. Le son qui dead comme sponsor, c'est moi le vrai, le matador. Une signature chez Polydor et en 3 jours, je suis disque d'or. Je peux pas finir comme Polydor, mais pour gagner, je dois péter le score. Beaucoup se prennent pour des ténors, mais à chier sur leur sommort. C'est bien pour ça que moi j'incorpore le talent dans mes métaphores. Je suis là pour que les choses s'améliorent. Genre le peurat de son triste sort. Entre eux et moi, y'a pas de rapport. Tire pas blanc, il pleut des corps. J'vais mettre un terme à tout sur le corps. Ils prendront plus le de mes efforts, gravir les marches, y'a bien trop de sport. Maintenant j'emprunte l'escalator. Je vois que les MC s'évaporent et peu de classiques viennent à éclore. À ce qui paraît, le rap est mort, mais dans ma gueule, je respire encore. Moi, le beat, je détériore et de ma voix, je le dévore. Car je reste ce carnivore qui graille les kebabs du Bosphore. Atomique, la rime en or. Si, si, c'est lui le plus fort. Le seul qui vous performe. Donc, conseil collab. Atomique, la rime en or. Si, si, c'est lui le plus fort, le seul qui vous performe. Donc conseil collabore. Je reviens plus gore, des gros tacles là je gore. Bien évidemment que j'ai le mort. Quand je vois qui signe en major, y'a aucun sens, t'es pas d'accord. À l'écoute de leur bande sonore, j'ai mal pour mon transistor. On dirait du rap en disport. Preuve qu'ici tout se distord, y'a que de la jarry qui sort. Frérot malade sur leurs accords, faut les soigner au médiator. Peu de vrais rappeurs et je le déplore. Les mots les mettent dans l'inconfort. Moi les produits naïfs, je les torque. J'aspire à être un cadeau. C'est dans la cave que j'élabore. Les bafons me servent de décor. Achète le skull dans le Play Store. Je me suis ruiné pour être Milor. Mal est venu de dire que je dors. Donc comprenez mon désaccord. Chaque verre je peaufine et j'améliore. Je me fais secrète dans l'angle mort. Je suis la même race que le Minotaur. Tu veux me test, Minotaur. Plus déter qu'un Terminator. J'aurais buté ça à Connor. Je porte mes yeux coups, je les veux en or. J'ai jamais appelé les renforts. Imbécile, je suis fait d'or. Tu veux me clash, essaye encore. Atomique, la rime en or. Si, si, c'est lui le plus fort. Le seul qui vous performe. Donc conseil collab. Atomique, la rime en or. Si, si, c'est lui le plus fort. Le seul qui vous performe. Donc conseil collab. Atomique, la rime en or. Si, si, c'est lui le plus fort. Le seul qui vous performe. Donc conseil collab. Atomique, la rime en or. Si, si, c'est lui le plus fort. Le seul qui vous performe. Donc conseil collab.